Chapitre 21. André Ouvrier, les cours d'adultes. Julien écolier, les bibliothèques scolaires et les lectures du soir. Ce que fait la France pour l'instruction de ses enfants. Après qu'on a travaillé, le plus utile des délassements est une lecture qui vous instruit. L'âge de s'instruire n'est jamais passé. Deux jours après leur arrivée à Épinal, grâce à l'activité d'André, grâce à celle de Madame Gertrude, nos enfants étaient complètement installés. André travaillait toute la journée à l'atelier de son patron, faisant rougir au feu de la forge le fer qu'il façonnait, ensuite sur l'enclume, et qui devenait entre ses mains tantôt une clé, tantôt un ressort de serrure, un verrou, un bec de canne. À ces moments perdus, le jeune serrurier, voulant se rendre utile à la mère Gertrude, fit la revue de toutes les serrures et ferrures de la maison. Il joua si bien du marteau et de la lime, qu'il remit tout à neuf, au grand étonnement de la bonne vieille. Mais tout cela ne fut pas long à faire, car la maison de la mère Gertrude n'était pas grande. Aussi il ne tarda pas à se trouver inoccupé le soir au retour de l'atelier. « André, lui dit Madame Gertrude, vous n'allez plus à l'école. Vous voilà maintenant un jeune ouvrier. Mais ce n'est point une raison, n'est-ce pas, pour cesser de vous instruire. Tous les soirs, monsieur l'instituteur fait un cours gratuit pour les adultes. Bien des ouvriers de la ville se réunissent auprès de lui. » Et il leur enseigne ce qu'ils n'ont pu apprendre à l'école. Il faut y aller, André. Que de choses on peut apprendre à tout âge, en s'appliquant 2 heures par jour. André fit ce que lui conseillait la mère Gertrude, et désormais il alla chaque soir au cours d'adultes. Julien, de son côté, suivait l'école bien régulièrement. Entre les heures de classe, quand son devoir était fait, au lieu d'aller vagabonder dans la rue, il rendait à la mère Gertrude tous les services qu'il pouvait. Il partait à la fontaine, il faisait les commissions. Il descendait le bois du grenier, il sarclait les herbes folles du jardin. « Cet enfant, c'est mon bras droit, » disait la bonne femme avec admiration. Le fait est que Julien l'aimait de tout son cœur. Et le soir à la veillée, quand elle lui racontait quelque histoire en écossant les haricots, il ne perdait pas une de ses paroles. « Eh, mais Julien, lui dit-elle un jour, vous aimez les histoires, et je vous ai dit toutes celles qui me sont restées dans la mémoire. Si vous m'en lisiez quelques-unes à présent, quelle bonne soirée nous passerions !» « Oui, dit Julien, mais les livres coûtent cher, et nous n'en avons point. »« Et la bibliothèque de l'école, petit Julien, vous l'oubliez. À l'école, il y a des livres que monsieur l'instituteur prête aux écoliers laborieux. Voyons, dès demain, nous irons le prier de vous prêter quelques livres à votre portée. » Le lendemain soir, ce fut une vraie fête pour l'enfant. Il arriva tenant à la main un livre plein d'histoires, dans lequel il fit ce jour-là et les jours suivants la lecture à haute voix. Julien lisait très joliment. Il s'arrêtait au point et aux virgules. Il faisait sentir les S et les T devant les voyelles, et au lieu de nasiller comme font les petits garçons, qui ne savent pas lire, il prononçait distinctement les mots d'une voix toujours claire. Quand il trouvait un mot difficile à comprendre, la bonne vieille institutrice, qui n'avait point oublié la profession de ses jeunes années, le lui expliquait rapidement. Après la lecture, elle l'interrogeait sur tout ce qu'il venait de lire, et Julien répondait de son mieux. Le temps passait donc plus vite encore que de coutume. Julien était tout heureux d'employer lui aussi ses soirées à s'instruire et de suivre l'exemple que lui donnait son frère aîné. « Oh !» dit un jour Julien quand l'heure fut venue de se coucher, « c'est une bien belle chose d'avoir toute une bibliothèque où l'on peut emprunter des livres. Madame Gertrude, nous les lirons tous, n'est-ce pas ?»« Je ne demande pas mieux, » répondit en souriant la mère Gertrude. « Mais dites-moi, Julien, qui a fait les frais de tous ces livres dont la bibliothèque de l'école est remplie? Et à qui devez-vous en définitive ce plaisir de la lecture? Y avez-vous réfléchi ?» « Non, dit l'enfant, je n'y songeais pas. » Julien, les écoles, les cours d'adultes, les bibliothèques scolaires sont des bienfaits de votre patrie. La France veut que tous ses enfants soient dignes d'elle, et chaque jour elle augmente le nombre de ses écoles et de ses cours. Elle fonde de nouvelles bibliothèques, et elle prépare des maîtres savants pour diriger la jeunesse. « Oh, dit Julien, j'aime la France de tout mon cœur. Je voudrais qu'elle fût la première nation du monde. » Alors Julien, songez une chose, c'est que l'honneur de la patrie dépend de ce que valent ses enfants. « Appliquez-vous au travail, instruisez-vous, soyez bons et généreux, que tous les enfants de la France en fassent autant, et notre patrie sera la première de toutes les nations. » Forge de serrurier. On voit derrière l'âtre un petit trou noir, c'est par ce trou qu'arrive le vent du soufflet, qui sert à exciter le feu de charbon de terre. Au-dessous du foyer se trouve un baquet rempli d'eau, on s'en sert pour mouiller le charbon. Serrure appelée bec de canne. C'est la serrure la plus simple. Il suffit pour la fermer de pousser la porte. Le ressort qu'on voit à droite la maintient fermée.